Bonjour chers amis, bienvenue à French Pod. This is the upper intermediate lesson. Je m'appelle Erika. Bonjour à tous les élèves, je m'appelle Amaury. Et c'est quoi le sujet aujourd'hui, Amaury? Alors, aujourd'hui, on va retrouver deux petits malins qui sont allés à une exposition. Un vernissage. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Peut-être que ce sont des spécialistes de l'art. Qui sait? C'est la raison, peut-être. Oui. Ou peut-être autre chose. Et on verra, non? Oui, on ne vous en dit pas plus. C'est pourquoi maintenant, on écoute le dialogue ensemble. Ok. La semaine passée, je suis allée à l'ouverture de la galerie Art Nouveau. C'était comment? Excellent. Ils avaient même prévu un énorme buffet. Ah, je savais que j'allais regretter d'avoir perdu l'invitation. Grave erreur, mon cher. Et tu es sur le point d'en commettre une autre. Comment ça? Et hop! Par ici la dernière coupe de champagne. Ah, décidément! Tu es trop rapide pour moi. Je manque d'entraînement. Écoute, jeudi prochain, dans le 16e, vernissage d'un sculpteur libanais, séance de rattrapage avec houmous et taboulé. Et nous revoici. Oui. Le ventre bien rempli. Moi, j'ai faim après ça. En plus, c'est bon généralement, ce qu'ils servent à manger dans les expositions comme ça. Alors, tu t'identifies avec ces personnes, hein? Ouais, un peu. Tu fais pareil. Ah, ça m'arrive, oui. Ok. Voyons ce qu'ils ont fait. D'accord. Alors, au début, ils ont parlé d'un événement de la semaine passée. Ouais. Premièrement, je voudrais demander la semaine passée et la semaine dernière. C'est pareil? Eh bien oui, ça a le même sens en fait. Ok. On parle de la même semaine quand on dit la semaine passée ou la semaine dernière. Il n'y a pas une différence. Non, on peut dire que la semaine passée, c'est un peu plus sophistiqué. Ok, c'est un peu plus French. Voilà. On parle très bien. Ouais. La semaine passée. Bon, qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? Alors, il y a le plus malin des deux qui est allé à l'ouverture d'une galerie qui s'appelait Art Nouveau. Et c'était comment? En fait, elle a eu ce qu'elle voulait, donc c'était excellent. Pourquoi? Puisqu'ils avaient même prévu un énorme buffet. Attends, alors pourquoi le mot énorme avant buffet? Normalement, ce serait après, non? Oui, mais souvent avec énorme, on va retrouver cet adjectif devant le nom pour accentuer. Mais c'est correct de l'avoir derrière. Mais ici, c'est vraiment pour accentuer le fait que... Que ce n'était pas petit. Voilà. C'est un peu comme en anglais si on dit... There was a huge buffet. Il y avait un buffet énorme. But if I wanted to say, there was a huge buffet. Il y avait un énorme buffet. Oui. Quand il a entendu ça, est-ce qu'il était déçu? Même pire que déçu, il avait des regrets. Oui. Et il dit, je savais que j'allais regretter d'avoir perdu l'invitation. Dommage. Et puis son ami, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Grave erreur, mon cher. Ok, explique cette expression. Parce que c'est pareil, il dit grave erreur. Au lieu d'erreur grave. Quand on a l'expression grave erreur en début de phrase... C'est une expression fixe, non? Oui, c'est bien ça. Donc, en fait, c'est une expression qui était beaucoup plus utilisée au siècle passé. Je ne sais pas si tu vois, au temps de Molière. Là, on l'employait beaucoup plus. Mais maintenant, elle a survécu et on l'utilise encore. Mais alors, ça a un ton un peu sarcastique, sophistiqué. Il y a une note, il y a une touche d'humour là-dedans. So it's from the 16th century. It'd be like just quoting Shakespeare or something. Voilà, cette période-là. Ok. And mon cher, ça ajoute même un peu plus. Voilà, on rajoute une pointe d'humour. Ok. Encore un peu plus sarcastique. Alors là, on a quand même une professionnelle qui voit, qui avertit son ami, qui lui dit « Tu es sur le point d'en commettre une autre. » Sur le point de, c'est like about to. Mm-hmm, ouais. Par exemple, on va être sur le point de gagner. Comme si on joue aux échecs, si on a pris la dame de l'autre et presque toutes ses pièces, on peut dire « Je suis sur le point de gagner. » Parce qu'on sait que c'est bientôt fini et qu'on est presque sûr qu'on va gagner. Et aussi, l'expression ici, c'est « commettre une erreur », n'est-ce pas? Tout à fait. Ouais, « commettre une erreur ». C'est le verbe « commettre ». Faire une erreur, c'est pareil. En beau français, il est beaucoup mieux d'utiliser « commettre une erreur ». Ok. Et c'est plus sophistiqué. Tout à fait. On devient de plus en plus sophistiqué. Eh oui, mais nous sommes à une exposition d'art, Erika. Ici, en French Pod. Et c'est aussi French Pod se sophistique. Quand on avance au niveau, on devient plus sophistiqué. C'est génial. Bon, comment ça, il va commettre une erreur? il n'a pas vu que la dernière coupe de champagne allait lui passer sous le nez. C'est son ami qui l'a vu en premier. Mm-hmm. Mais il dit « par ici, la dernière coupe de champagne ». Ici, « par ici » ne veut pas dire « by here », right, or « over here ». Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « pour moi ». Ok. Elle est à moi. Yeah, elle est à moi. It's mine. Par ici. Alors, si tu dis « par ici, le dernier morceau de gâteau mm-hmm. », ça veut dire que tu vas le prendre pour toi. Mais bon, tu vas pas faire ça, Erika. Oui, je le ferai. Non, tu prendrais le dernier morceau. Tu partagerais un peu. Non, pas si c'est un gâteau. Ah, d'accord. Le gâteau, il est au chocolat ou pas? Oui, il est au chocolat. Alors non, je vais pas le partager. Ok, explique décidément. Parce que la traduction, c'est « obviously, clearly ». L'explication ici, ce serait plutôt que... Tu vois, quand il s'est passé plusieurs actions, mm-hmm. s'est passé plusieurs choses, on va tirer la conséquence à un moment mm-hmm. et on va dire décidément. Alors, par exemple, je ne peux pas dire décidément si, like, I see your face is all scrunched up. So I can't say, obviously, you smell something bad. I wouldn't use décidément here. Non. Because it's just from one event I'm making this. Mm-hmm. But décidément, ici, il a deux raisons pour croire que son ami est trop rapide pour lui. Tout à fait, oui. Alors, premièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a raté mm-hmm. le buffet lors de l'ouverture de la galerie Art Nouveau. Et la deuxième raison. Et il a raté la dernière coupe de champagne. Alors décidément, mm-hmm. décidément, elle est trop rapide pour lui. Ouais. Et c'est donc pour ça qu'il dit, je manque d'entraînement. Ok, so manquer deux, to lack. Ouais. Mais il faut avoir le deux là, non? Toujours. Manquer deux quelque chose. Ouais. Et entraînement, c'est quoi? Entraînement, c'est de la formation, tu vois, de la pratique. Yeah, literally, I lack practice or I need some more practice or I need some more training. Mm-hmm. Je manque d'entraînement. Ouais. Elle va lui donner une opportunité mm-hmm. pour avoir un peu plus d'entraînement. Elle lui annonce que jeudi prochain, mm-hmm. dans le 16e... Le 16e, ça veut dire le 16e arrondissement de Paris. Mm-hmm. Tout mm-hmm. à fait. Qui est en plus un quartier un peu sophistiqué. Ouais, très sophistiqué. Hein. Oui. Ouais, il y a 20 arrondissements à Paris, voilà. Oui. Ça, c'est un des 20. Et il y a un vernissage d'un sculpteur libanais. On va revenir sur ce mot vernissage plus tard. Ce vernissage, ça peut servir comme quoi? Comme une séance de rattrapage. Ok, rattrapage. C'est plutôt le vocabulaire de l'école, non? Tout à fait, voilà. C'est beaucoup utilisé quand on étudie, quand on donne une seconde chance, quand on a raté quelque chose. It's like a make-up exam or make-up test. Mm-hmm. It's like a metaphor. Tout à fait, ouais. And there'll be hummus and tabbouleh there. Parce que c'est un sculpteur libanais. Libanais. Ouais, donc on a cette nourriture, l'hummus et le tabbouleh. Tu peux dire le mot sculpture, one who sculpts? La sculpture. Sculpture. Ouais, on prononce pas du tout le P, sculpture. J'ai toujours trouvé ce mot un peu difficile. Bon, maintenant, après tout ce qu'on a expliqué, décidément, il est temps de réécouter le dialogue. La semaine passée, je suis allée à l'ouverture de la galerie Art Nouveau. C'était comment? Excellent. Ils avaient même prévu un énorme buffet. Ah, je savais que j'allais regretter d'avoir perdu l'invitation. Grave erreur, mon cher. Et tu es sur le point d'en commettre une autre. Comment ça? Et hop! Par ici la dernière coupe de champagne. Ah, décidément! Tu es trop rapide pour moi. Je manque d'entraînement. Écoute, jeudi prochain, dans le 16e, vernissage d'un sculpteur libanais, séance de rattrapage avec houmous et taboulé. Okay, so we got two grammar things to talk about. Ouais. The first one of the lines she said, can you say it? Excellent, ils avaient même prévu un énorme buffet. Okay, here we have the plus que parfait. Now, the reason that we use that tense, why we say ils avaient prévu, ouais. Here, ils avaient même prévu, is because they're talking about the event, la semaine passée, she went to this gallery opening, and before that event... was when they arranged the big buffet. Voilà, ils avaient déjà organisé. Before. Avant l'événement. Right, so mm-hmm. that's why we would say, ils avaient même prévu. And one more thing, what did he say about losing the invitation? Je savais que j'allais regretter d'avoir perdu l'invitation. Okay, so, savoir. Now, we always want in English speakers to say, j'ai su, when we talk about the past. I knew. But really, most of the time, we use the imperfect. We say, je savais que... C'est logique. Yeah, because to know is something that happens over a period. You don't usually know in just a second. You know for a while. So he knew maybe the whole week that he was going to regret having lost that invitation, right? Now, the question is usually, when do you use j'ai su? Because that does exist. Oui, tout à fait aussi. It's when you knew something at that moment, you knew. And we can change this actual sentence to illustrate that. So, alors, si je dis, au moment où j'ai perdu mon invitation, j'ai su que j'allais le regretter. Right, okay, so because it was at that moment that the invitation was lost. À ce moment précis. So that's why j'ai su. Oui. We use the passé composé because it was at one split second. Voilà, c'est pas une durée qui s'étend. Yeah, something you knew for a couple days or a couple hours, you know. So hopefully that makes it a little bit clear, because I know that's one of the tougher things, is when do you say je savais, when do you say j'ai su, especially for things like to know that are more abstract and don't happen in a second. So now let's talk about this word, vernissage. Alors, un vernissage, c'est quoi? Well, first of all, this word exists in English. A vernissage, I guess we would say, and it means the same thing, but it comes from the French. Oui. Ou en français, en fait, c'est une cérémonie d'inauguration pour une exposition d'art. Yeah, it's a reception at a gallery for an artist. Oui. Like a gallery opening. Whether the gallery is opening for the first time itself. Oui. Ou quand l'artiste va présenter une nouvelle collection. Right, it's the first night of that artist's collection. Voilà. It's le vernissage. Mm-hmm. Some people go for the art, some people like these guys go for the food. Also, the word here, by the way, comes from vernir, which means to varnish. Mm-hmm. Because the word itself, what's the origin? Alors, c'est le 19e siècle. Yeah, around 1815. Because there used to be a thing called Varnishing Day, right? What was that? Alors, c'était le jour juste avant l'ouverture de l'exposition artistique. Of one artist, the day before his exhibition. Et alors, ce jour-là était réservé, en fait, pour que l'artiste puisse vernir les peintures. So, it was a big Varnishing Day for him to finally varnish all those paintings that were going to be in the exhibition. Voilà. It was like a tradition kind of thing. The night before the art exhibition. Bah, ça avait un but, oui, et c'était bien le jour avant, quoi. And it was called le vernissage. Mm-hmm. But now, it's really... Maintenant, c'est une promotion quelque part. Right. Mm. And a place like, you know, where you can get hummus and tabbouleh. Ouais. Voilà, après tout ce dialogue concernant l'art et la nourriture, il est temps de vous dire au revoir. N'oubliez pas surtout qu'on se retrouve sur frenchpod.com. Yeah, make sure you come to the site. You can ask us questions. Ouais. And do some exercises. Voilà. Alors maintenant, à bientôt les amis. Au revoir.